Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai 4話. Il y a des choses qui peuvent être comprises qu'avec l'éclairage du froid. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être ma mère. Nakata n'a pas peur du noir et des profondeurs. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Quatrième épisode. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue. Voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine. Trouverai refuge dans une petite bibliothèque. Cette bibliothèque a été fondée pour contribuer au développement culturel de la région, en rendant accessible au public les collections de livres et de peintures rassemblées par la famille Komura sur plusieurs générations. Notre guide, Mademoiselle Saiki, la responsable de la bibliothèque, est une femme mince, d'environ 45 ans, plutôt grande pour une femme de sa génération. Elle porte une robe bleue à manches courtes et un fin cardigan couleur crème. Elle a beaucoup d'allure. Ses cheveux longs sont attachés par un lien lâche. Elle a un visage raffiné et intelligent, avec de beaux yeux, et un vague sourire flotte en permanence au coin de ses lèvres. Je ne sais pas trop comment dire, mais son sourire donne un sentiment de perfection. Il te fait penser à une petite flaque de soleil qui apparaîtrait au fond d'un endroit secret. Une flaque de soleil avec une forme particulière. À l'époque où il fit construire cette demeure, le maître des lieux ne voulut pas se conformer au style simple et élégant qu'affectionnaient les artistes de Kyoto. Il préféra opter pour le style rustique d'une maison villageoise. Dans le jardin de la maison où j'habitais à Nogata, il y avait de petites taches de soleil comme ça. Depuis tout petit, tu aimes bien les regarder. Ainsi, par exemple, les sculptures que vous pouvez admirer sur le bois de cet imposte sont d'un raffinement inégalé. On a fait appel aux artisans les plus célèbres de l'époque pour la construction de cette maison. Ce serait bien qu'elle soit ma mère. Pendant l'ère Taisho et jusqu'au début de l'ère Showa, des hôtes de marque y ont séjourné, laissant de nombreux souvenirs. Il va sans dire que les chances pour que Mademoiselle Saiki soit ma mère sont proches de zéro. Mais en toute logique, la possibilité existe quand même, si faible soit-elle, parce que tu ne sais pas à quoi ressemble ta mère ni comment elle s'appelle. Avant la Seconde Guerre mondiale, la région devait sa richesse culturelle non pas aux efforts de l'administration locale, mais principalement à des dilettantes aisées telles que les Komura. Autrement dit, ils jouaient le rôle de mécènes. Et puis, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être ma mère. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être ta mère. Génération après génération, les chefs de la maison Komura se sont passionnés pour les arts, qu'ils savaient apprécier en connaisseurs. C'est peut-être un don, car ils ont toujours su parfaitement discerner le talent authentique du surfait. Et ont soutenu les plus grands maîtres de leur temps. Il y a quelque chose de spécial en elle. Cependant, vous le savez, personne n'a un jugement infaillible. C'est comme si sa silhouette vue de dos essayait de me dire quelque chose. Ainsi, par exemple, les œuvres du grand poète Santoka Taneda n'ont-elles pas été conservées, ce qui est fort regrettable. Quelque chose qu'elle ne peut pas me dire en face. Seulement, j'ignore ce que c'est. Bien des choses ne peuvent être comprises qu'avec l'éclairage du temps. Il y a tant de choses que tu ignores. Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. L'homme est très grand. Il porte un étrange chapeau tout en hauteur, et des bottes de cuir montantes. Je pense que cet homme est dangereux, vraiment dangereux. Plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. Dangereux ? Mais Nakata ne voit pas quel danger peut bien surgir de ce terrain vague. Nakata ne fait rien de mal. Il cherche un chat perdu. C'est tout. En quoi est-ce risqué? Il marche vite. Et il a une allure si particulière qu'on le remarque aussitôt. Dans ce cas, il n'y a qu'à attendre qu'il vienne. Nakata est habitué à attendre tout seul. Nakata est habitué à ne rien faire. Il sait comment débrancher son esprit. Nakata n'a pas peur du noir et des profondeurs. Nakata n'a pas peur du silence. Car il connaît tout cela depuis qu'il est enfant. Dans la salle de lecture de la bibliothèque, le temps s'écoule très lentement. Tous les gens sont paisiblement plongés dans leurs livres. Personne ne parle. Certains prennent des notes, mais la plupart restent immobiles, absorbés dans leur lecture, tout comme moi. Tu n'as pas cours aujourd'hui ? Si, mais j'ai décidé de prendre un peu de vacances. Tu refuses d'aller à l'école ? Peut-être. Peut-être ? C'est pas que je refuse d'y aller, j'ai juste décidé de pas le faire. Comme ça, calmement. Et de ta propre initiative, tu as décidé d'arrêter l'école ? Oui. Monsieur Oshima, à quelle heure ouvrez-vous le matin ? À 11h. Sauf le lundi, c'est le jour de fermeture. Tu veux revenir demain ? Si ça vous dérange pas. Bien sûr que non. Une bibliothèque, c'est fait pour les gens qui ont envie de lire. Reviens quand tu veux. Dis donc, tu te promènes toujours avec autant de bagages ? Ça a l'air lourd. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Des lingots. Bon, c'est pas grave, allez. Je ne tiens pas vraiment à le savoir. À demain, alors. Au revoir. Tiens, un chien. Mais on dirait presque un veau. Il ne porte pas de collier. Nakata ne s'y connaît pas bien en race de chien, mais ce qu'il sait, c'est que cet animal est un chien méchant. Que peut-il bien vouloir ? De toute façon, Nakata ne connaît pas le langage des chiens. Lève-toi. Ça, alors ? Lève-toi et suis-moi. Allons-y. De toute façon, ça ne servirait à rien de communiquer avec lui. Et puis, Nakata n'a pas très envie de lui parler, ni même de lui dire son nom. Et si ce chien avait quelque chose à voir avec le préfet ? Le préfet a peut-être appris qu'on donne de l'argent à Nakata pour retrouver les chats. Et il lui envoie cette bête pour récupérer la pension à laquelle Nakata n'a plus droit. Dans ce cas, gare aux ennuis. C'est quoi ce molosse ? Tu fais moins un peu ses crocs. Regardez-les. Oh là là. Ils vont où tous les deux comme ça ? Ils vont où tous les deux comme ça ? C'est quoi ce molosse ? Visez-moi un peu ses crocs. Nakata ne reconnaît plus rien. C'est un quartier où il n'a jamais mis les pieds auparavant. Et s'il se perdait et ne retrouvait plus le chemin pour rentrer? S'il vous plaît, monsieur le chien, est-ce qu'on est toujours dans l'arrondissement de Nakano? Vous avez quelque chose à voir avec le préfet? Nakata ne fait rien de mal. Il cherche une chatte qui s'appelle Sésame. S'il vous plaît, est-ce qu'on est toujours dans l'arrondissement de Nakano? L'hôtel où j'ai réservé une chambre pour seulement 3 nuits est un business hôtel assez grand, de 2e catégorie. À la réception, je remplis le formulaire en donnant un faux nom, une fausse adresse, une fausse date de naissance, et je paye 1 nuit d'avance. Je suis un peu tendu, mais personne n'a l'air soupçonneux. Tout se déroule de façon très administrative. Je monte au 5e étage dans un ascenseur brinque-ballon. La chambre est longue et étroite, avec un lit peu accueillant, un oreiller dur, une petite table, une télé minuscule, un rideau fané par le soleil. Je pose mon sac à dos sur le lit, m'assieds sur la chaise et essaie de m'habituer à mon nouveau logement. Je suis libre. Tu es libre? Libre. Mais je n'arrive pas très bien à comprendre ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que je suis seul dans un endroit inconnu. Un explorateur solitaire qui a perdu sa boussole et sa carte. C'est ça, être libre? Il est 10h, mais j'ai du mal à m'endormir. Fin d'une journée nouvelle dans un lieu nouveau. Voilà, c'était l'anniversaire de mes 15 ans. Et j'en ai passé la plus grande partie dans une bibliothèque un peu étrange et pleine de charme. J'ai fait de nouvelles connaissances, Oshima puis Mademoiselle Saichi. J'ai eu de la chance, je n'ai rencontré personne de malveillant. C'est peut-être un bon présage. Cette nuit-là, je ne fais pas de rêve. Quand j'y pense, ça fait un bon moment que je n'ai pas rêvé. Bonjour. Il fait très sombre ici. Et je ne vous distingue pas très bien. Je m'appelle Nakata. Excusez-moi de vous déranger. Je ne suis pas entré par effraction. Je suis venu à la demande de ce chien. C'est lui qui m'a conduit jusqu'ici. Du coup, je suis entré sans frapper et je vous prie de m'en excuser. Je vais d'ailleurs, si vous le permettez, prendre congé tout de suite. Assieds-toi sur ce fauteuil. Entends-tu? Je m'assieds. Vous êtes le préfet? Quelque chose comme ça. Disons que je suis le préfet si cela te facilite les choses. Ça ne change rien à l'affaire. Ah! Maintenant, Nakata vous distingue beaucoup mieux. L'homme est très grand. Il porte un étrange chapeau, tout en hauteur, et des bottes de cuir montantes. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Non. Je pense que cet homme est dangereux. Vraiment dangereux. Plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. Tu ne sais pas? Non. Excusez-moi, Nakata n'est pas très intelligent. Mon allure ne te rappelle rien? Les amateurs de whisky me reconnaissent au premier coup d'œil. Mais bon, ça ne fait rien. Je m'appelle Johnny Walken. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis universellement célèbre. On pourrait presque dire que je suis une icône. Mais bien sûr, je ne suis pas le véritable Johnny Walken. Je n'ai rien à voir avec le fabricant de whisky. J'ai seulement emprunté l'allure et le nom qui se trouve sur les étiquettes. On a beau dire le nom et l'allure, c'est important. Et C'est vous, monsieur Johnny Walken, qui avez demandé à ce chien de conduire Nakata jusqu'ici? Exact. Vous vouliez donc rencontrer Nakata? Ce ne serait pas plutôt toi qui voulais me rencontrer. D'après ce que j'ai pu comprendre, tu as passé plusieurs jours dans ce terrain vague à attendre que j'apparaisse, non? Tout à fait, tout à fait. J'avais complètement oublié. Nakata n'est pas très intelligent, vous savez, si bien qu'il oublie beaucoup de choses. Nakata vous attendait dans ce terrain vague pour vous poser une question à propos d'un chat. J'arrive à la bibliothèque Komura vers 11h30. Comme la veille, Oshima est assis derrière son comptoir, près de l'entrée. Bonjour. Bonjour. Tu n'es toujours pas retourné au lycée, à ce que je vois. J'y retournerai pas. La bibliothèque me paraît une bonne alternative. Je me dirige vers la salle de lecture pour lire la suite des Mille et une nuits que j'ai commencé la veille. Comme d'habitude, une fois que je suis installé et que je commence à tourner les pages, je ne peux plus m'arrêter. On te demande au téléphone. Moi ? Allô ? Bonjour, monsieur Tamura, je suis la réceptionniste de votre hôtel. J'ai parlé de votre requête au gérant. C'est la première fois que le cas se présente, mais vous êtes jeune, et les circonstances étant ce qu'elles sont, exceptionnellement, il vous consent un tarif réduit pour la semaine entière. L'hôtel n'est pas complet en cette saison, nous pouvons nous permettre une petite entorse. Et puis le gérant espère qu'ainsi, vous pourrez disposer de tout le temps nécessaire à vos recherches dans cette bibliothèque d'excellente réputation. Je vous remercie, mademoiselle. Comme tu es le seul lycéen à venir ici, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de toi. Je lui ai dit que tu lisais passionnément du matin au soir. C'est la vérité, de toute façon. Merci. Kafka Tamura. C'est mon nom. Un nom curieux. C'est le mien. Ce n'est pas simple de devenir quelqu'un d'autre, mais changer de nom, rien de plus facile. Dis-moi, Kafka Tamura. Je ne sais pas d'où tu viens exactement, ni quels sont tes projets, mais tu ne vas pas pouvoir rester éternellement à l'hôtel. Je n'ai pas l'intention de me mêler de tes affaires, mais je me disais simplement que ça ne doit pas être facile pour un garçon de ton âge d'être seul dans un endroit où tu ne connais personne. Tu as l'intention de continuer ta route ou tu penses rester ici un moment? Je sais pas encore, mais je crois que je vais rester quelque temps ici. Je sais pas où aller, de toute façon. Pour le moment, tu penses que tu peux te débrouiller seul, alors? Oui. Je fais des vœux pour que la chance t'accompagne. Bon. Le soleil se couche, la marée descend. Il serait temps d'entrer dans le vif du sujet, non? Tu voulais me questionner à propos d'un chat. Plus précisément à propos d'une chatte nommée Sésame, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Cela fait 10 jours que je la cherche. Sa maîtresse, Madame Koizumi, m'a demandé de la retrouver. Sauriez-vous par hasard où est Sésame, monsieur? Je connais cette chatte. Et vous savez où elle se trouve? Je sais où elle est. Se trouve-t-elle près d'ici? Tout près d'ici. Et est-ce que je pourrais repartir d'ici avec elle? Ça dépend de toi. De Nakata? Oui, ça dépend de toi. La décision t'appartient. Tu peux repartir avec ses âmes et rendre heureuse Madame Koizumi et ses filles. Ou bien tu peux repartir sans ses âmes et tout le monde sera très déçu. Tu n'as pas envie de décevoir tout le monde? Non, Nakata n'a pas envie de décevoir tout le monde. Moi non plus, je n'ai pas envie de décevoir les gens. C'est bien normal. Que doit faire Nakata? Quelque chose pour moi. quelque chose dont je suis capable ? Je ne demande jamais l'impossible. Ce serait une perte de temps. Tu ne crois pas ? Nakata pense que ce serait sans doute une perte de temps, en effet. Ce qui veut dire que ce que je te demande est une chose que tu peux faire, n'est-ce pas ? Oui, peut-être. À vrai dire, cela fait longtemps que je cherche quelqu'un dans ton genre. Vraiment longtemps. Et l'autre jour, quand je t'ai vu parler avec un chat, je me suis dit, ça y est, voilà celui que je cherchais. C'est pour ça que je t'ai fait venir jusqu'ici. Je suis désolé de t'avoir convoqué de cette manière. Ce n'est pas grave. Nakata a beaucoup de temps libre, vous savez. Les 7 jours suivants se déroulent à peu près tous selon la même routine. J'ouvre les yeux à 6h30 au son du radio réveil, j'avale le petit déjeuner frugal de l'hôtel. Je fais quelques étirements dans ma chambre avant de me rendre à la salle de sport pour ma séance de musculation quotidienne. J'exécute toujours les mêmes séries, avec les mêmes poids. Ensuite, je me douche en prenant soin de bien nettoyer les moindres recoins de mon corps. Vers midi, je monte dans le train en direction de la bibliothèque Komura. J'échange quelques mots avec Oshima au moment de déposer mon sac à dos, et le soir, en le récupérant. Je déjeune sous la véranda et je lis. Après avoir fini les 1001 nuits, je me suis attaqué aux œuvres complètes de Natsume Soseki, dont je n'ai pas encore tout lu. À 5h, je quitte les lieux. Je partage donc mes journées entre la salle de sport et la bibliothèque. Ce n'est pas là qu'on s'attend en priorité à trouver les collégiens qui font l'école buissonnière. Des lieux où personne ne me prête une attention particulière. Le soir, je dîne dans un petit restaurant devant la gare. Quand je rentre à l'hôtel, je m'assieds devant la table pour rédiger mon journal. Puis j'écoute Radiohead avec mon baladeur. Je lis un peu, et à 11h au plus tard, je me couche. De temps en temps, je me masturbe avant de m'endormir. Je fantasme sur la fille de la réception. Je regarde pratiquement pas la télé et ne lis pas les journaux non plus. C'est le soir du 8e jour que cette existence régulière, simple et centrée uniquement sur moi-même, a volé en éclats. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. 4e épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Anne Alvaro, Mademoiselle Saeki, Philippe Magnan, Johnny Woken, Juliette Plumcoq-Mèche, Oshima. Et les voix d'Arthur Ribaud, Chantal Galiana, Mustapha Abourachid, Anne Basset, Valia Boulet, Michael Pinelli, Romain Cotard, Marie Mosser et Mélissa Barbeau. Musique originale et piano, Denis Chouillet, clarinette, Fabrice Villard, percussion, Sylvain Lemaître, bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourland, Annabelle Broire, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.